Chapitre 43. Un malade de grande valeur. Pendant ce temps, la voiture des ambulances militaires, simple carriole à deux roues tirée par un cheval et recouverte d'une bâche, arrivait et se rangeait devant le poste militaire. Un major était depuis un moment arrivé et examinait le malade. Le malade avait été transporté dans la seconde pièce où se tenait généralement le sergent commandant le poste. Là, sur le lit de camp, le malade gisait, se plaignant doucement de douleurs internes. Les hommes du poste, après avoir offert leur service, vaquaient à leurs occupations, laissant à leur demande les soldats du génie soigner seuls leurs camarades. Le major déclara qu'on devait soulever le malade et le transporter avec les plus grands soins, les plus grands ménagements. Il avait pronostiqué une attaque d'appendicite. On étendit donc le malade sur la civière qu'on recouvrit d'un drap ainsi que le veut le règlement pour traverser le trottoir et soustraire le patient à la curiosité des badauds de la rue. Les infirmiers portaient sur leur uniforme la grande blouse blanche professionnelle. Or, avant d'enlever la civière, sous leur blouse, les infirmiers endossaient rapidement une sorte de gilet de cuir que leur remirent les camarades ouvriers du génie. Dans ce gilet solide, qui partait des épaules et allait jusqu'au ventre, jusqu'à la ceinture, les camarades avaient dans les poches spéciales et bien aménagées pour cela empilé des pièces d'or. Chaque gilet contenait à peu près 25 kilos de pièces d'or. Le major lui-même, sous son caoutchouc, passa un gilet de même espèce. Les ouvriers conservant leur bourgeron en portaient un semblable. Or, le malade que les infirmières transportèrent n'était plus le malade qui se mêlait à ses camarades et qu'on ne pouvait reconnaître, mais un grand sac de cuir dans lequel, comme dans les gilets, étaient habilement, soigneusement empilés des sacs de pièces d'or. Outre la civière, qui, solide et naturellement, sous son apparence d'honnête civière à malade, était aménagée pour ce précieux et lourd fardeau, six hommes maintenant chargés d'or se disposaient à quitter le poste. Dans la petite voiture qui leur avait servi à transporter leurs outils, avec les outils, des caisses, des pots, des sacs en plâtre, le tout contenant de l'or était empilé, entassé. Et la petite caravane, les ouvriers annonçant leur retour pour demain, se mit en marche. C'est à ce moment que le peloton des gardes républicains se montra. Parmi les gardes se trouvaient nécessairement des hommes de Paulin Broquet, et l'officier qui commandait n'était autre que Lamorce. C'est dire que la manœuvre fut admirablement comprise et vaillamment exécutée. Les ouvriers du génie marchaient lourdement, accablés par le poids de l'or qu'ils transportaient. Ils suivaient d'un pas pesant la voiture d'ambulance entraînant avec peine leur charrette à outils. Ils furent d'abord très étonnés de voir leur faire escorte ce peloton de gardes républicains. Puis, quand le peloton se séparant, s'ouvrant en deux, les enveloppa, les entoura, ils ne purent plus douter de leur sort. Ils étaient pris. Dans l'officier, ils venaient de reconnaître l'amorce. Alors ils devinèrent le coup, la main de Paulin Broquet. Que leur restait-il à faire maintenant? Fuir? Ils y songèrent bien, mais chargés comme ils l'étaient, ils n'auraient pu compter aller loin sans être pris. Paulin Broquet triomphait donc. Mais on ne prenait jamais Zigomar au dépourvu. Zigomar avait prévu ce coup de main de son ennemi. Ces hommes savaient ce qu'ils avaient à faire. Ils devaient abandonner l'argent qu'ils ne pouvaient garder sans se perdre et se sauver d'abord eux-mêmes. Alors les aides, voyant qu'ils ne pouvaient fuir avec leur poids d'or, défirent leur gilet de cuir. Quand ils furent débarrassés, l'un d'eux, celui qui était le brigadier de l'équipe, donna un coup de sifflet. En même temps, ils tirèrent une ficelle qui pendait hors de la charrette à outils, partant d'un pot à peinture blanche. Aussitôt, une violente explosion eut lieu, qui couvrit de cendrées, de débris, de gravier, de plâtre et de matière piquant abominablement les yeux et le nez. Le désordre le plus grand se produisit dans le peloton de gardes républicains. Tout le monde éternuait à se fendre le crâne et se frotter les yeux en hurlant de douleur. Quand on accourut, quand on put s'y reconnaître, quand on parvint jusqu'à la charrette à outils, jusqu'à la voiture d'ambulance, les ouvriers du génie avaient disparu, et avec eux, le cocher de l'ambulance, les deux infirmiers s'étaient éclipsés. Les hommes de Zigomar fuyaient, sacrifiant la grosse part de leur butin et n'emportant avec eux que quelques sacs d'or. Mais Paulin Broquet venait de sauver à peu près 300 000 francs à la Banque de France. Cependant, si Paulin Broquet avait laissé partir les pseudo-ouvriers du génie et leurs 6 000 malades, s'il avait chargé Lamorce de conduire l'affaire, au lieu de prendre lui-même la direction du peloton de gardes républicains, c'est que parmi les hommes du génie, les infirmiers, il n'avait pas reconnu celui qui tout spécialement l'intéressait, l'homme aux yeux de fauve. Il se doutait que le bandit devait avoir pris la place la plus difficile, le poste le plus dangereux, et assumé dans cette opération un des rôles les plus importants. Non sans raison, il s'était dit que Zygomar devait se trouver soit déjà dans la cave, ou sur la voiture de brasseur qui avait pénétré dans la cour d'honneur de l'hôtel du gouverneur. Avec Gabriel et quelques hommes, il alla se poster dans la cave où se trouvent le charbon et le bois de chauffage, prêts à survenir quand les brasseurs descendraient dans la cave au liquide et commenceraient le chargement des tonneaux. Par l'intendant, le majordome du gouverneur, il avait fait donner l'ordre de fermer toutes les portes de l'hôtel, de ne laisser sortir personne. Dans la cave, il attendait. Les brasseurs, y compris le cocher, avant de descendre les tonneaux pleins de la voiture, déclaraient au concierge qu'il devait d'abord faire de la place en bas et remonter les fûts vides. Ils s'engouffrèrent par le soupirail. Paulin Broquet ne pouvait, de son poste, les voir manœuvrer, mais il les entendait parler, et il pouvait, par le son de leur voix, suivre, pour ainsi dire, leur marche. Il s'apprêtait avec ses hommes à leur tomber dessus au bon moment, et déjà dans sa poche il caressait la chaîne d'acier qu'il allait passer enfin au poignet du bandit. Gabriel, les hommes de la brigade, à l'affût, revolver en main, bien postés, s'apprêtaient également à surgir d'un coup, au premier signal du chef, et à bondir sur les trois hommes qui, surpris, ne pourraient évidemment leur opposer une grande résistance. Ah, les mesures étaient bien prises, la place bien choisie, la manœuvre serait facile. La réussite était certaine. Pendant que le brasseur et ses hommes se trouvaient engagés dans le soupirail, le majordome, au courant cependant de l'arrestation que Paulin Broquet allait opérer, crut, après avoir donné lui-même des ordres pour qu'on fermât toutes les portes et ne laissât sortir personne, qu'il pouvait bien lever la consigne pendant quelques minutes en faveur du gouverneur. Le gouverneur ignorait tout ce qui se faisait dans son hôtel et la souricière organisée dans ses caves. Il avait une visite officielle à faire et donnait des ordres pour qu'à 7 heures précisément son auto vînt le prendre. Le majordome dut faire exécuter les ordres de son maître tout en croyant seconder les plans du détective. Pour plus de tranquillité et pour donner toute garantie à Paulin Broquet qui attendait dans la cave, il tint lui-même à se trouver devant la portière de l'auto quand le gouverneur montrait en voiture et à faire ouvrir devant lui et fermer sous ses yeux la grande porte quand la voiture serait sortie. L'automobile du gouverneur vint donc en ronflant puissamment se ranger devant l'escalier d'honneur. Le majordome se tint auprès. Peu après, le gouverneur paraissait avec sa femme et le directeur technique de la banque. Le majordome ouvrit la portière. Tous trois montèrent en voiture. L'auto démarra, contourna la voiture du brasseur et la porte de l'hôtel ouverte, s'engagea dans la rue et fila à toute allure. Le planton, reconnaissant l'auto du gouverneur, présenta les armes. Le gouverneur salua de la main. Derrière l'auto, sur le perron de l'escalier d'honneur, à ce moment paraissait un homme qui interpellait le majordome, lui demandant « L'auto n'est donc pas là ?» Le majordome se retourna et demeura absolument abasourdi. « Monsieur le gouverneur » s'écria-t-il. Presque au même moment, derrière le gouverneur, Paulin Broquet et ses hommes surgissaient. Zygomar jouant, si parfaitement que le majordome s'y était laissé prendre, le personnage du gouverneur, son second lieutenant, celui de la femme du gouverneur, et le troisième, celui du directeur technique, venaient de filer dans l'auto, recevant au passage les honneurs militaires.